Bonsoir, merci d'être venus assez nombreux pour cette soirée sur les femmes dans la Révolution. Alors, je voudrais d'abord remercier Catherine Clément qui m'a invitée à donner cette conférence dont le titre n'était pas clair au début. S'agit-il de parler des femmes dans ou des femmes de la Révolution ? Il s'agit bien sûr d'une séquence qui traite de la Révolution française, on l'écrit maintenant avec un grand R, puisqu'elle est le paradigme de toutes les autres, et non pas de la Révolution en général. J'ai donc opté pour les femmes dans la Révolution française, portrait d'une génération, ce qui est beaucoup plus restrictif, et j'ai choisi d'évoquer le destin, non pas de parler du féminisme et des théories féministes, plutôt d'évoquer le destin de plusieurs femmes en soulignant que la Révolution française a eu pour effet de transformer, d'une manière générale, en héros des hommes jeunes qui, sans elle, seraient restés probablement des inconnus. Et cette transfiguration est identique à propos des héroïnes de cette période qui incarnent les idéaux des différentes facettes de la Révolution. Je parlerai donc ici de 6 femmes qui ont été prises dans la tourmente de la Révolution de 1789 à 1795. Elles ont en commun d'avoir été insultées en tant que femmes tout au long de leur histoire, de cette période, autant par les royalistes que par les différentes factions de la Révolution. Hommes et femmes, à quelques exceptions près, je cite « Virago, bacchante, débauchée, tricoteuse, monstre, délirante, catin, incestueuse, lesbienne, ce qui à l'époque était une injure, étrangère, oublieuse de leur nature féminine, sacrifiant époux et famille à leurs désirs, atteinte de tous les vices contre nature, en gros, des créatures du diable. Aucune d'entre elles ne fit un mariage d'amour et leur vie intime se confond avec l'aventure de la Révolution dont elles furent pour la plupart des héroïnes tragiques. Les 3 premières, Marie-Antoinette, 34 ans en 89, Manon Roland, 35 ans en 89, et Teresa Cabarrus, 36 ans en 89, ont eu pour point commun d'avoir régné sur la France grâce au pouvoir des hommes durant une période très courte et d'avoir été métamorphosées durant la période de la terreur et de la grande terreur. 2 meurent sous la guillotine et une autre en échappe, mais toutes 3 ont vécu à l'ombre des têtes coupées et de la puissante figure de Robespierre qu'elles avaient en horreur. Les 3 autres, Charlotte Corday, 21 ans en 89, Olympe de Gouges, 41 ans en 89, et Thérouanne de Méricourt, 27 ans en 89, sont au contraire des femmes solitaires, qui ne tiennent pas leur pouvoir d'un homme. Elles ont en commun d'avoir mis en cause le pouvoir masculin. 2 meurent sous la guillotine, l'autre entrera à l'asile de la Salpêtrière, où elle mourra en 1817. Une vierge criminelle et 2 pionnières du féminisme. Elles ont aussi vécu à l'ombre des têtes coupées, celle des Piques, puis celle de Roy, légalement exécutée le 21 janvier 1793 sous le nom de Capet, et donc déjà déçue de sa fonction de roi. Il s'agissait quand même d'un régicide vécu comme tel par ceux qui votèrent la mort du roi. À partir de cette date, les amarres sont rompues avec l'ancienne figure de Dieu le Père, paradigme d'une certaine conception de la famille d'Ancien Régime. Cette rupture conduira à travers la terreur à une transformation du statut des femmes. En coupant la tête du roi, dira Balzac, la Révolution a coupé la tête de tous les pères de famille. Il n'empêche qu'elle a modifié de fond en comble l'ordre familial. Tout au long du XIXe siècle, on abolira progressivement les mariages arrangés, typiques de l'Ancien Régime, au profit des mariages d'amour. Le choix du partenaire sera une des grandes conquêtes de l'émancipation des femmes. Aucune de celles dont nous parlons ici n'en a bénéficié. Marie-Antoinette, d'abord, représente l'essence même d'une féminité nobiliaire, tantôt porteuse de l'arrogance de sa caste, tantôt déchue jusqu'au martyr. Après elle, Manon Roland traduit la sensibilité bourgeoise et rousseauiste de la Gironde. Enfin, se profile à l'aube du Directoire le beau visage de Madame Tallien, Teresa Cabarrus, courtisane thermidorienne, symbole du plaisir retrouvé et de la terreur vaincue. Ces 3 femmes, je l'ai dit, tiennent leur pouvoir de l'influence qu'elles exercent sur leur époux ou de la place qu'elles acquièrent grâce au mariage. Par ailleurs, d'autres femmes sont présentes sur la scène révolutionnaire, rebelles, folles, marginales. Avec la nuit du 4 août 1789, qui abolit les privilèges, l'ancien statut des femmes disparaît en partie, et c'est à ce moment-là que se concrétise l'entrée en scène d'une lutte en faveur de la reconnaissance pour les femmes de leurs droits civils et politiques. Ce combat est mené par des femmes différentes des autres figures de la Révolution. Célibataires, maltraitées, déclassées, saltimbanques, elles incarnent la forme moderne d'un égalitarisme qui mettra un siècle et demi à s'imposer. Elles s'appellent Etta Pam, Olympe de Gouges, Thérouanne de Méricourt, Claire Lacombe, une fausse baronne, une polygraphe, une paysanne mélancolique, une comédienne ratée, à quoi, comme je l'ai dit, s'ajoute Charlotte Corday, vierge et criminelle. Je laisse ici de côté les collectifs de femmes, en général les femmes du peuple, qui jouèrent un rôle majeur dans la Révolution depuis la marche d'octobre 89 jusqu'à la chute de Robespierre. Ces femmes ont pour caractéristique d'être à la fois très présentes et très anonymes dans les processus révolutionnaires, puisque si elles ont du pouvoir réel par leur entrée massive dans les événements, elles n'en ont aucun à titre individuel. À l'Assemblée nationale, elles sont spectatrices actives, elles ont des tribunes réservées, séparées de celles des hommes, mais n'ont pas de droit politique. Elles tiennent leur pouvoir d'être une foule en perpétuel mouvement. Notons que les femmes, durant cette période, sont d'une cruauté les unes envers les autres, égale à celle des hommes. Toutes les femmes de cette période ont eu droit à des biographies imaginaires. Elles ont toutes eu droit à des légendes, des complots noirs ou roses qui les ont rabaissés ou ridiculisés. Et il a fallu l'historiographie savante de la fin du XIXe et du XXe siècle pour que soient construits, à partir de sources, des récits sérieux sur leur vie réelle. Elles furent à peu près toutes des personnages de romans, immergées dans la fureur de leur époque, une fureur à laquelle elles ont participé. Et dans le genre roman, c'est à Alexandre Dumas que l'on doit quelques portraits fascinants de quelques-unes de ces femmes, de Marie-Antoinette d'abord, de la Dubarry ensuite. Dans les 4 volumes des Mémoires d'un médecin, Joseph Balsamo, Collier de la Reine, Ange Pitou, la Comtesse de Charny. Presque toutes les femmes de la Révolution ont eu un destin tragique ou sanglant. Mais si la Révolution n'avait pas existé, elle n'aurait pas eu de destin du tout. En quoi la Révolution a-t-elle permis qu'elles accèdent à ce destin? Je répondrai que la Révolution leur a permis d'exister non pas en tant que femme avec des droits, puisque cela n'a été réalisé que beaucoup plus tard, mais en tant que femme sans autre droit que celui d'une singularité, la folie, la guillotine, le crime, le martyr, l'emprise sur un homme. La Révolution pose toujours la question, comme la résistance ou la guerre, de savoir mourir. Pourquoi accepte-t-on de mourir pour quelque chose? La patrie, des idées, la foi. On peut le comprendre à travers une belle phrase de Madame Roland, « Je ne crois pas, dit-elle, que les mœurs permettent encore aux femmes de se montrer. Elles ne peuvent jamais paraître ouvertement. » En d'autres termes, comme le soulignera Michelet, elles sont agies par autre chose qu'elles-mêmes, soit dans l'ombre des hommes ou des partis, soit dans l'amour du peuple et la pitié du peuple. Sous l'Ancien Régime, la condition féminine est définie par l'affirmation d'une priorité généalogique du sang qui prime sur toute référence à la nature. Quoi qu'elles fassent, elles sont d'abord des instruments de reproduction, des ventres, que ce soit pour faire naître des fils, futurs souverains, ou des enfants destinés à assurer une dépendance ou à être abandonnés. Au bas de l'échelle, les plus défavorisés sont les mendiantes, les citadines, les prostituées, les ouvrières, les paysannes pauvres. À l'horizon de leur vie se dresse toujours le spectre de l'hôpital général, lieu de grand renfermement et des errances du temps. Ou encore, le convoi pénitentiaire en direction des îles. Et quand elles ne sont pas des ventres, elles sont des objets sexuels. En haut de l'échelle sociale, les femmes de l'aristocratie jouissent au contraire d'une confortable liberté. N'étant pas encore les mères servantes préconisées par la mentalité bourgeoise, elles n'ont ni les nourrices de leurs enfants, ni l'épouse inculte. Mais elles portent les enfants, parfois pendant toute la durée de leur vie, de 4 à 17 grossesses en moyenne pour des vies assez courtes. Elles règnent sur les idées du temps, inventent la mode, fabriquent l'opinion ou pratiquent l'art du libertinage. Mais privées de droits, elles n'ont aucun accès ni à la gestion de la société, ni au gouvernement du royaume, sauf si elles agissent par influence ou par le sexe et la séduction sur leurs époux. Aussi, malgré la puissance d'un privilège qui les écarte pour toujours de l'hôpital général, elles sont menacées d'un redoutable mal psychique, l'ennui, forme première de la mélancolie. Ennui du bonheur, bonheur de l'ennui, symptôme d'une défaillance générale de l'Ancien Régime à la veille de la Révolution. Toutes les histoires universelles et la recherche des causes m'ennuient, écrit Madame du Deffand. J'ai épuisé tous les romans, les contes, les théâtres. Il n'y a plus que les lettres, les vies particulières et les mémoires écrites par ceux qui font leur propre histoire, qui m'amusent encore et m'inspirent un peu de curiosité. La morale et la métaphysique me causent un ennui mortel. Que vous dirais-je? J'ai trop vécu. Et c'est bien ce mal psychique que soigne par le magnétisme Franz Anton Mesmer à Paris, en réunissant autour de son baquet de très nombreuses femmes, uniquement des aristocrates. À commencer par Marie-Antoinette, fascinée par Mesmer, autrichien comme elle. Née en 1755, elle est la 15e enfant de la terrible impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, incarnation du pouvoir monarchique absolu. Elle passe son enfance tristement entre le palais de Hofburg à Vienne et celui de Schönbrunn. Dès sa naissance, elle est élevée par les gouvernantes de la famille royale pour être ensuite mariée à un souverain. Elle reçoit une éducation où le maintien, la danse, la musique, le paraître occupent l'essentiel de son temps, ne bénéficiant de ce fait d'aucune éducation politique. Le 7 février 1770 au soir, Marie-Antoinette a ses règles, prête à être donnée en mariage à Louis XVI, qui a le même âge. Deux jours plus tard, au petit matin, elle quitte définitivement Vienne, qu'elle ne reverra jamais, elle a 14 ans. Détestée par le peuple français, elle sera surnommée l'Autrichienne dès son arrivée à Versailles, puis Madame Déficit et plus tard Madame Veto. Le soir du 30 mai 1770, place Louis XV, où l'on fête le mariage princier, est tiré un magnifique feu d'artifice. Une fusée tombe sur les pièces d'artillerie, sur les pièces d'artifice destinées au bouquet final, créant un incendie puis une véritable panique, conduisant à la mort de plusieurs centaines de victimes. Ce sera ressenti comme un très mauvais présage. La jeune dauphine n'aime pas sa nouvelle vie. Son esprit se plie mal à la complexité et à la rouerie de la vieille cour de France, aux allures compassées, au libertinage de Louis XV et de sa maîtresse, la comtesse du Barry, née des amours d'une couturière et d'un moine et sans doute ancienne tenancière de bordel. Elle mourra avec courage sur la guillotine, comme toutes les autres. Dépourvue d'expérience, dénuée de culture politique, absolument pas libertine, comme on l'a dit, ni débauchée, Marie-Antoinette est, pour son malheur, manipulée par sa famille autrichienne, à laquelle elle demeurera toujours attachée. Elle sera sans doute la maîtresse du comte de Fersen, qui ne l'aime guère, qui collectionne les aventures amoureuses et qui tentera en vain, au nom du principe aristocratique, de la sauver de la guillotine. Le roi Louis XV meurt le 10 mai 1774. Marie-Antoinette devient reine de France et de Navarre à 18 ans, toujours sans héritier à offrir à la France et toujours considérée comme l'étrangère, même par la famille royale qu'elle n'aime pas. Le mariage entre elle et Louis XVI met 7 ans à être consommé, ce qui explique qu'elle n'a pas eu 17 enfants. La reine devient, dès l'été 1777, la cible de premières chansons hostiles qui circulent de Paris jusqu'à Versailles. On l'accuse de tous les vices, mais surtout d'être responsable des erreurs du bon roi Louis XVI. On lui passe difficilement ses bals et ses soirées dansantes chez ses amis ou ses beaux-frères. On ne lui pardonne pas les bals masqués à l'opéra, inconvenant, juge-t-on, pour une reine de France. Malheureusement, elle en raffole, ce qui lui permet de fuir le mal de l'ennui, et elle s'y fait conduire plusieurs fois pendant le carnaval. On lui reproche sa passion du jeu. Tous les soirs, elle joue au pharaon jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. L'opinion publique lui fait grief de ses goûts dispendieux, de ses toilettes, de ses réceptions. Si elle a longtemps mené la vie d'une jeune écervelée, entre les intrigues de la cour et sa ferme de Trianon, elle tente d'influencer la politique du roi, de faire et de défaire les ministres. Mais contrairement à la rumeur, son rôle politique s'avère limité. Par son désir de plaisir simple, d'amitié exclusive, Marie-Antoinette va vite se faire de plus en plus d'ennemis. En un mot, Elle est incapable de comprendre ce qui se passe en France, ne tolère aucune atteinte à la monarchie et ne conçoit pas la moindre réforme, sans pour autant avoir la moindre autorité. La désastreuse affaire du collier contribue à la faire haïr encore davantage alors qu'elle est victime d'une escroquerie. Elle traverse la période révolutionnaire, sans conscience du danger, ne tolère jamais la mise en cause du pouvoir monarchique et elle méprise le peuple. Elle approuve la fuite à Varennes, reste d'une totale insensibilité aux souffrances du peuple, aux notions de patrie, de souveraineté et de nation. Elle ne comprend même pas la puissance subversive de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle vit dans un monde imaginaire qui ne lui permet pas de saisir la réalité, celui d'une monarchie qui est en train de sombrer. Et c'est pourquoi elle approuve la coalition des puissances étrangères qui veulent renverser la République. Lors des massacres de septembre 1792, la princesse de Lamballe, sa fidèle amie, qui n'a cessé de comploter avec les puissances étrangères, est mise à mort. On connaît les détails. Un perruquier lui ôte son bonnet du bout de la pique et la blesse légèrement, tandis qu'un autre égorgeur lui jette une bûche dans les reins. La princesse tombe, criblée de coups. On lui arrache ses vêtements. Elle reste ainsi près de 2 heures exposée nue à la risée de la foule. Sa tête est arrachée du corps à l'aide d'une scie et brandie au bout d'une pique. Le perruquier, qui a maquillé la tête, lui ouvre la poitrine, lui arrache le cœur qu'il place au bout de son sabre. Sa tête est promenée au bout d'une pique et agitée devant les fenêtres de l'appartement de Marie-Antoinette qui s'évanouit. Elle ne sera plus jamais la même et restera terrifiée. Les scènes de têtes coupées brandies sur des piques après avoir été maquillées font partie des grands rituels populaires de la Révolution, mélange de carnaval païen et de charivari. En avril 92, la guillotine est mise en service. La Révolution ayant aboli les supplices, il faut qu'une machine moderne remplace la main du bourreau et que le condamné soit exécuté sans souffrance. Son inventeur, le célèbre docteur Guillotin, médecin des Lumières, faillit mourir sous la terreur, victime de sa propre machine. Mais le rituel des têtes coupées à main d'homme dure autant que la Révolution. Dans ce rituel, les femmes et les hommes sont traités à égalité. Les femmes du peuple soutiennent les coupeurs de tête. C'est après l'exécution de Louis XVI que Marie-Antoinette devient une autre femme, transportée par les souffrances et le martyr, notamment durant son incarcération à la Conciergerie. Dépouillée de toute fonction royale, les cheveux blanchis, la bouche édentée, la peau abîmée, le corps recouvert de vêtements frustes, contrainte de supporter les insultes des femmes qui assurent sa garde, elle supporte cet état avec un admirable courage, quasi mystique. On lui enlève la garde de ses enfants et le dauphin est confié au savetier Simon, qui lui fait croire que sa mère est un monstre. Séparée également des princesses, Madame Élisabeth, sœur du roi, et de sa fille Madame Royale, qui sera la seule survivante de cette tragédie. Le 3 octobre 1993, Marie-Antoinette, transfigurée, comparaît devant le tribunal révolutionnaire mené par l'accusateur public Fouquier-Tinville. Si le procès de Louis XVI devant la Convention a conservé quelques formes de procès équitables, ce n'est pas le cas de celui de la reine. Le dossier est monté rapidement. Fouquier-Tinville déclare que la reine et Madame Élisabeth, la sœur du roi, donc, ont eu des attouchements sur le dauphin, thèse soutenue par Hébert. Marie-Antoinette ne répond rien et un juré en fait la remarque. Elle se lève et répond. Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature même refuse de répondre à une telle accusation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. On l'accuse également, à juste titre, d'entente avec les puissances étrangères, ce qui pour elle n'a aucune signification, puisque pour les puissances étrangères, c'est sa famille qui défend la monarchie. Comme la reine dit, le président du tribunal l'accuse d'être l'instigatrice principale de la trahison de Louis Capet. C'est donc bien un procès pour haute trahison. Le préambule de l'acte d'accusation déclare « Examen fait de toutes les pièces, il en résulte qu'à l'instar de Messaline, Frédégonde, concubine d'un roi mérovingien, et Médicis, que l'on qualifiait autrefois de reine de France, et dont les noms à jamais odieux ne s'effaceront par des fastes de l'histoire », Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, a été, depuis son séjour en France, le fléau et la sangsue des Français. Fin de citation. En réalité, on condamne donc la veuve Capet. Robespierre a intégré au jury son propre médecin, qui la soignait à la Conciergerie, lequel a indiqué aux autres jurés qu'elle était médicalement condamnée à brève échéance car elle avait de forts épanchements sanguins, signe sans doute d'un cancer de l'utérus. Le matin du 16 octobre, Marie-Antoinette est menée, main entravée, sur une charrette, alors que Louis XVI avait eu droit à un carrosse. Elle est menée de la conciergerie jusqu'à la place de la Révolution. Elle subit avec dignité les sarcasmes et les insultes lancées par la foule massée sur son passage. Elle mettra une heure pour traverser la place et monter à l'échafaud. David, le grand peintre, observant le cortège depuis la rue Saint-Honoré, en dessine un croquis de profil resté légendaire. Ce martyr et cette exécution font de Marie-Antoinette, reine sans grand intérêt, une immense héroïne, sanctifiée par la mort. On ne compte plus les livres, les films apologétiques. Le premier crime de la Révolution fut la mort du roi, mais le plus affreux fut la mort de la reine des Chateaubriand et Napoléon. La mort de la reine fut un crime pire que le régicide. Madame Élisabeth sera exécutée le 10 mai 1994 comme sœur d'un tyran. Son corps sera dénudé puis démembré et jeté dans la fosse commune. Le destin de Madame Roland est l'exact opposé de celui de Marie-Antoinette. Et pourtant, elle verra ce destin elle aussi transformée par la Révolution. Elle aussi aura le statut éphémère d'une reine. Fille d'un petit imprimeur parisien, Manon Roland se marie pour échapper à la tutelle de son père. Elle épouse sans amour Jean-Marie Roland de Laplatière, homme intègre de 20 ans son aîné, qui l'aime à la folie, qui deviendra ministre de la Gironde. Grâce à lui, elle met un terme à une vie terne et sans intérêt, marquée par le mal de l'ennui. Elle se lie avec les Girondins, dont elle devient l'égérie, reine d'un salon qui accueille tous les hommes politiques de son temps influents, Robespierre, Pétion, François Buzot. Restant longtemps fidèle à ce mari, vénérable vieillard, qu'elle aime comme un père. À ses côtés, elle joue au ministère un rôle essentiel, rédigeant notamment la lettre dans laquelle Roland demande au roi de revenir sur son veto, lettre qui provoque son renvoi en juin 1792. Et quand il revient, Manon Roland dirige plus que jamais ses bureaux. Exaltée, brouillonne, elle exerce sur la Gironde une influence plutôt néfaste. Après les massacres de septembre, contre lesquels elle n'agit pas, elle voue à Danton une haine farouche, alors que ces massacres sont le fait de foules incontrôlées. Elle contribue alors à la division de toutes les factions. En juin 1793, après la proscription des Girondins, elle se laisse arrêter après avoir avoué à son mari sa liaison avec Buzot. Elle restera 5 mois à la conciergerie, sera exécutée 1 mois après Marie-Antoinette. Au pied de la guillotine, elle fait preuve d'un immense courage et on lui attribue cette phrase « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom ». Tous les acteurs de la Révolution se sont vus attribuer des phrases à la veille de leur mort, à la veille de leur exécution, moment tragique et sanctifié. Certains sont apocryphes. En apprenant l'exécution de sa femme, Roland brûle ses papiers, prend sa canne et épée, quitte son refuge, marche en direction de Paris. Au soir, il s'engage dans une allée et se tue en s'empalant contre un arbre. On trouve sur lui ce billet. Qui que tu sois, qui me trouve gisant ici, respecte mes restes. Ce sont ceux d'un homme qui est mort comme il a vécu, vertueux et honnête. Buzot et Pétion se tuent chacun d'un coup de pistolet dans un champ de blé. On retrouvera leurs cadavres dévorés par les loups. Très différente de Marie-Antoinette et de Madame Roland, Teresa Cabarrus fut la femme de pouvoir la plus influente de la période du Directoire. Elle ne devait rien à ses mariages successifs, puisque c'est par son pouvoir de séduction, par le pouvoir de séduction qu'elle exerçait sur les hommes, par sa beauté, son intelligence et son instinct de survie, qu'elle réussit à échapper à la guillotine et surtout à exister par elle-même. Très jeune, 16 ans, lors de son entrée dans la Révolution, elle n'a aucune envie de mourir pour des idées auxquelles elle ne croit pas. « Ma vie est un roman », dira-t-elle. Elle aussi est un personnage du roman de la Révolution sur lequel plane, comme pour toutes les femmes de cette époque, la grande menace non seulement de Robespierre, mais celle des têtes coupées et de la guillotine. Née à Madrid, d'un père banquier élevé à Paris, elle épouse à l'âge de 14 ans le marquis de Fontenay, joueur libertin débauché. Grâce à l'instauration du divorce, elle s'en sépare rapidement, en 1792. Elle s'en était déjà éloignée au début de son mariage, en devenant membre d'un club et en tenant salon dans le Marais, où elle reçoit toutes sortes de personnalités, Mirabeau, les frères Lamette, le Pelletier de Saint-Fargeau. Une splendide courtisane, amie de Joséphine de Beauharnais, désirée par Bonaparte, sans scrupules, mais qui avait en horreur les violences révolutionnaires. Cultivée, elle admire l'idéal révolutionnaire des débuts, à travers lequel elle se ferait un chemin avec une habileté très vive. Elle eut 3 mariages, de très nombreuses liaisons et 11 enfants de plusieurs hommes différents qu'elle n'aima jamais, dont 2 monarchistes et un conventionnel, Jean Lambert Tallien, dont elle prendra le nom. Jacobin, patriote, adepte des Lumières, régicide. La Révolution, disait-il en 1792, a acquis un degré d'effervescence qui ne permet plus à personne d'en calculer la suite. Les événements du jour font oublier ceux de la veille. La Révolution est un état de fièvre continu avec redoublement. On ne saurait mieux dire. Teresa Cabarrus rencontre Tallien à Bordeaux en septembre 1793, où il a été envoyé en mission pour établir l'ordre. Il organise une répression sauvage et envoie à la guillotine des centaines de personnes, au point que Robespierre dénonce ses excès. Emprisonné au Fort du Ha, en vertu de la loi des suspects, Teresa fait appel à lui. Il tombe amoureux fou d'elle et la fait libérer. Elle le suit à Paris et ils vivent en couple. Autant il aime la vie familiale, autant elle la déteste, adorant le luxe et les réceptions. De nouveau arrêtée sur ordre du comité de salut public, elle joue alors un rôle capital dans la chute de Robespierre. Enfermée à la prison de la Force, puis à celle des Carmes avec Joséphine, elle traite Tallien de lâche et le retourne. Il entre alors dans la conjuration qui fait tomber Robespierre, Couthon, Saint-Just, Lebas, le 9 Thermidor. Les conjurés, Tallien, Barras, Fouché, veulent arrêter la terreur dont ils ont été les principaux artisans. Après avoir épousé Tallien, Teresa devient la reine de la période thermidorienne, traitée de putain par le peuple. Sous le Directoire, elle adopte la mode des excentriques, soucieux de vivre intensément et sensuellement après la période de la terreur. Mais le coup d'État du 18 Brumaire met fin à sa carrière. Et à celle de cette époque, Bonaparte interdit à Joséphine de rester amie avec elle tant il redoute sa puissance de séduction. Toujours animée par un profondément instinct de vie, elle épouse le prince Riquet de Camaranchimet, soutiendra la Restauration et deviendra une parfaite mère de famille bourgeoise. Un vrai personnage de Balzac. Quant à Tallien, disgracié par l'empereur après avoir trahi Robespierre et être devenu le chef de la réaction thermidorienne, il mourra de la lèpre dans le mépris général en 1820. J'aborde maintenant le destin des 3 autres femmes. Charlotte Corday est née dans une famille de la petite noblesse normande, où son père, aristocrate déchu et appauvri, cumulant les dettes, doit cultiver lui-même ses champs. Sa mère meurt en 1871, 9 ans après la Révolution, alors qu'elle n'a que 13 ans. C'est à ce moment qu'elle est envoyée avec sa sœur à l'abbaye des Dames de Caen, où, malheureuse, elle s'enferme dans les livres et rêve d'une autre vie. Elle aussi souffre du grand mal psychique, du mal de l'ennui, qui sera celui aussi d'Emma Bovary. En 1789, elle devient républicaine. Mais à mesure que la Révolution se déploie, elle ne supporte pas ces violences, les massacres et les têtes coupées. Elle a eu écho des massacres de septembre 92. À Caen, les tueries sont fréquentes. De sa fenêtre, Charlotte voit nombre d'exécutions sommaires, des têtes coupées, des meurtres. Le sang est versé quotidiennement, d'autant plus que la guillotine est arrivée dans la ville normande. du fond de sa province. Elle se persuade alors que le seul responsable de cette situation est Jean-Paul Marat. Sa haine envers lui ne fait que croître quand elle entend les récits de ses amis de la Gironde. Incarnation de l'élite révolutionnaire, Marat est le journaliste le plus virulent et l'un des plus doués de la Révolution. Il est l'ami du peuple, adoré par les sans-culottes et les femmes jacobines, diabolisé par les contre-révolutionnaires. La bête noire des Girondins est démodérée, au point que ces derniers le croient tout-puissant. Pourtant, dans le milieu montagnard auquel il appartient, il est à peine écouté et peu considéré. En fait, son pouvoir est avant tout populaire et médiatique. Nourri de toute cette littérature, Charlotte Corday pense alors que sans Marat, la Révolution pourrait prendre un autre tournant. Sa vie est d'autant plus insignifiante qu'elle n'a jamais émis le moindre désir de rentrer dans le moule social des jeunes filles de son époque, à savoir se marier, avoir des enfants. Au contraire, elle est influencée par ses lectures, et notamment par celle des tragédies de Pierre Corneille, dont sa famille descend de façon lointaine. Elle rêve d'un destin hors du commun. Il faut qu'elle réalise un acte marquant pour exister, pour sortir de la banalité. Le crime est l'instrument de ce destin rêvé. Elle achète un couteau, mais elle hésite. On retrouvera dans sa chambre d'hôtel, l'hôtel Providence, où elle descend le 9 juillet 1793, un écrit. Le ferai-je ou ne le ferai-je pas ? Par trois fois, elle demande à être reçue par Marat et elle écrit qu'elle a des confidences à lui faire. En entrant le 13 juillet dans la maison du journaliste qu'elle imagine être un monstre sanguinaire, elle trouve un homme malade, affaibli, affable, assis dans sa baignoire. Elle ne le tue pas tout de suite, mais au bout de longues minutes d'une conversation où elle prétexte sans doute avoir une liste de traîtres girondins à lui transmettre. Plusieurs versions existent de cette conversation. D'un coup, elle lui plonge le couteau dans le torse. Le lendemain, David est chargé par la Convention de peindre un tableau commémoratif. Il représente le député assis dans sa baignoire, la tête recouverte d'un turban délavé et tenant deux billets. La requête de Charlotte Corday, sollicitant son aide, et grâce à laquelle elle fut introduite chez lui, et un billet distribuant un assignat à une veuve. Marat apparaît ainsi à la fois comme une victime et un bienfaiteur. David donne une dignité d'autant plus grande à la scène qu'il ne montre pas Charlotte. Il invente un martyr dans la grande tradition de l'iconographie christique. Il enlève à Charlotte son acte en la renvoyant à son insignifiance, une absence. Aussitôt le meurtre commis, Charlotte est arrêtée. La nouvelle de la mort du vénéré Marat se répand comme une traînée de poudre. Paris bouillonne, on craint l'émeute, à tel point que l'on se demande si le transfert de Charlotte vers la prison de l'Abbaye ne va pas se transformer en lynchage. Pendant plusieurs jours, nul ne peut croire qu'une femme ait commis un tel acte. On va même jusqu'à penser qu'il s'agit d'un homme travesti. Ou même que Charlotte Corday agit sous l'empire d'une fureur passionnelle pour venger un amant ou un proche exécuté. En réalité, la cause de l'acte est absente de l'acte, puisque l'acte est à lui-même sa propre réalisation. Il est bien le résultat d'un passage à l'acte, qui échappe au sujet et dont Charlotte ne peut rendre compte. Mais cet acte la fait exister, ce qui va lui permettre de prendre la parole, de sortir de son inexistence et de donner une cause à cet acte. Le procès commence le 17 juillet 1793 au matin. Fouquet-Tinville tente de lui retirer la paternité de son crime. Tout comme ceux qui pensaient que le meurtre avait été accompli par un homme déguisé en femme, il ne peut croire qu'une femme puisse avoir agi ainsi. Tout au long de l'audience, il tente de lui faire avouer que les Girondins ont fomenté un complot et l'ont incité à commettre ce crime. Charlotte se rebelle vivement. Elle n'a pris cette décision, dit-elle, que de sa propre conscience et de sa propre volonté, sans jamais en parler à qui que ce soit. Elle se montre courageuse et inébranlable tout au long de la séance. Elle revendique son acte au nom de la justice. Visiblement, elle n'a aucune peur de la mort et elle utilise son procès comme un moyen d'expression. Elle existe enfin. Et elle peut tourner en dérision le pouvoir masculin pour lequel elle représente un danger, puisqu'elle a assassiné le roi du peuple. Elle lui a coupé non pas la tête, mais la parole par laquelle il régnait. Avant d'être guillotinée, elle exprime un dernier souhait, que l'artiste Jean-Jacques Hoher réalise son portrait. Faut-il voir dans cette demande un désir de postérité? C'est fort probable. Voilà ce qu'en dit Lamartine dans son Histoire des Girondins. On nous dit qu'en lui permettant de transmettre ses traits et sa physionomie à la postérité, elle le chargeait de transmettre son âme et son patriotisme visible aux générations à venir. Elle s'entretint avec M. Hoher de son art, de l'événement du jour, de la paix que lui laissait l'acte qu'elle venait de consommer. Elle parla de ses jeunes amis d'enfance à Caen, pria l'artiste de copier en petit le portrait en grand qu'il exécutait et d'envoyer cette miniature à sa famille. Certaine d'avoir accompli un acte historique qui changera le destin de la Révolution. Elle est conduite le 17 juillet à l'échafaud, vêtue de la chemise rouge des assassins. Pendant tout le trajet, elle regarde les Parisiens droit dans les yeux. Sa dignité lors de son exécution l'a fait entrer dans la légende. Et cette légende sera utilisée par la contre-révolution et jusqu'au régime de Vichy pour faire de Marat le personnage le plus ignoble de la Révolution, un métèque, un étranger, un juif féminisé, et de Charlotte, l'incarnation des valeurs de la terre et de la province contre Paris, ville cosmopolite et dégénérée. Charlotte Corday n'était rien de tout cela. Olympe de Gouges est la plus célèbre des femmes de la Révolution et incontestablement la plus intellectuelle, la plus extravagante, la plus directement engagée dans le combat en faveur de l'émancipation des femmes. La vraie pionnière du féminisme originel. Elle sait écrire et rédige de nombreux textes. Née à Montauban, elle était sans doute la fille naturelle du marquis de Pompignan. Et la rumeur lui fabriqua un roman familial en la prétendant bâtarde de Louis XV. À 17 ans, elle est mariée à l'intendant de la ville dont elle a un fils. Cet homme vulgaire et grossier la maltraite. En 1766, il meurt emporté par une crue du Tarn. Envahie par le mal de l'ennui, elle décide alors de ne jamais se remarier. Une femme, en effet, n'a pas le droit de publier des textes sans l'autorisation de son mari. Restant veuve et célibataire, elle conserve donc sa liberté. Elle rêve de célébrité. Elle arrive à Paris, mène une vie luxueuse de courtisane et prend le nom d'Olympe de Gouges. Elle s'appelait Gouze. Elle monte une troupe de théâtre grâce à laquelle elle fait jouer une pièce contre l'esclavage. En 1788, elle publie ses réflexions sur les hommes noirs. Transfigurée par la Révolution, elle se révèle une visionnaire. Et jusqu'à la fuite à Varennes, elle reste royaliste, éprouvant une vraie compassion pour Marie-Antoinette, qui ne sait même pas qui elle est. Aimant follement les animaux, elle vit entourée de chiens, de chats et de singes, auxquels elle reconnaît une qualité d'être sensible, tout en croyant à la réincarnation. En 1791, elle rédige une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu'elle adresse à Marie-Antoinette et qui restera sans réponse. Elle montre que malgré le caractère universel de la Déclaration des droits de l'homme, les femmes en sont exclues. D'où l'idée qu'elle défend que les femmes doivent prendre leur destinée en main. La forme adoptée pour la rédaction de ce texte est d'une grande importance, car il s'agit d'un pastiche très réussi, construit point par point sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme. Et elle comporte cette phrase étonnante et prophétique. Une femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune. Elle se bat pour l'instauration du divorce. Elle demande également la suppression du mariage religieux, son remplacement par une sorte de contrat civil signé entre concubins et qui prend en compte les enfants issus de liaisons nées d'une inclination particulière. C'était à l'époque véritablement révolutionnaire. De même, lorsqu'elle milite pour la libre recherche de la paternité et la reconnaissance des enfants nés hors mariage. Elle est aussi une des premières à théoriser, dans ses grandes lignes, le système de protection maternelle et infantile que l'on connaîtra plus tard et, s'indignant de voir les femmes accoucher dans des hôpitaux ordinaires, elle demande la création de maternités. Sensible à la pauvreté endémique, elle recommande enfin la création d'ateliers nationaux pour les chômeurs et de foyers pour les mendiants. Toutes ces mesures, préconisées à l'entrée du grand hiver 89, étaient considérées par Olympe de Gouges comme essentielles, ainsi qu'elle le développera dans « Un patriote persécuté », son dernier écrit avant sa mort. Après les massacres de septembre, elle s'attaque à Marat, qu'elle traite d'avorton de l'humanité, dénonce Robespierre, qu'elle accuse de vouloir une dictature. Arrêtée le 20 juillet 1793, elle est inculpée par le tribunal révolutionnaire. Elle n'a pas envie de mourir et tente de sauver sa vie en se déclarant enceinte. Son fils, aussi ignoble que son mari, la renie publiquement. Et elle monte sur l'échafaud avec courage. On lui attribue cette déclaration. « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort. » Comme Marie-Antoinette et Manon Roland, exécutées à quelques jours d'intervalle, elle est copieusement insultée par Chaumette, procureur de la Commune de Paris. Virago, la femme-homme, l'impudente Olympe de Gouges, qui la première institua des sociétés de femmes, abandonna les soins de son ménage, voulut politiquer et commit des crimes. Tous ces êtres immoraux ont été anéantis sous le fer vengeur des lois. Et vous voudriez les imiter ? Non. Vous sentirez que vous ne serez vraiment intéressante et digne d'estime que lorsque vous serez ce que la nature a voulu que vous fussiez. Nous voulons que les femmes soient respectées, c'est pourquoi nous les forcerons à se respecter elles-mêmes. Fin de citation. À plusieurs reprises, après la célébration du bicentenaire de la Révolution, qui aura pour effet de restituer à toutes ces femmes leur véritable vie, hors des légendes noires et des injures, des associations féministes demandant qu'elles soient panthéonisées. Je vais maintenant aborder la destinée tragique de Théroigne de Méricourt, de son vrai nom Anne-Joseph Théroigne, née paysanne à Marcourt, dans les Ardennes belges, sujette de l'Empire austro-hongrois, devenue Théroigne de Méricourt en venant à Paris pour entrer dans la Révolution et suivre avec une incroyable assiduité les séances de l'Assemblée. La Révolution fut son école, sa patrie, le seul grand amour de sa vie. Elle fit d'elle une autre femme. Théroigne participa à tous les événements de la Révolution et proposa de lever des légions d'Amazones pour que les femmes puissent combattre au même titre que les hommes. Je lui ai consacré une étude biographique en 1989. La plus caricaturée par la presse royaliste, la plus humiliée, la plus rejetée, elle fut un puissant objet de fantasme, pas un seul portrait authentique. Elle a eu droit à une multitude de récits imaginaires et à de fausses biographies. Elle incarnait l'essence même du mal de l'ennui qui, chez elle, ne pouvait être contenu par une vie aristocratique. Il confinait à la folie, une folie mélancolique, visible par ses contemporains, auxquels elle faisait peur, et qui lui attribuèrent un nombre impressionnant de faux noms, comme pour conforter sa passion, qu'elle manifestait de se dissimuler, de se déguiser, afin de mieux jouer le rôle qu'elle voulait jouer au cœur de l'événement révolutionnaire. Privée de sa mère, rejetée par sa belle-mère, trahie par un père défaillant, Théroigne était une vraie rebelle. Elle vivait sa condition de femme de l'Ancien Régime sous le signe de l'humiliation. Et les événements qui ponctuait son existence, n'était pas fait pour conjurer ce destin. Un séducteur débauché, un marquis jaloux et masochiste, un maître de musique castrat et escroc. Tous les hommes de cette triste histoire étaient porteurs des stigmates de leur époque, tantôt victimes de leurs vices qui se lisaient sur leur visage, tantôt persécuteurs imbus de leurs privilèges. Deux réalités s'interpénètrent dans l'histoire de cette femme. L'une sociale, qui reflète la condition des femmes de son époque, et l'autre fantasmatique, qui renvoie à la singularité d'une paysanne meurtrie, rêvant d'égalité et d'instruction, mais agit à son insu par une mystique de la déploration permanente. Au cœur de cette deuxième réalité, elle oscille entre un état dépressif qui la ramène à l'ennui de son siècle et un état d'exaltation qui la pousse à rêver de grandeur. Identifiée aux idéaux de la Révolution, elle devient l'épouse de cette révolution idéalisée et elle revêt en effet l'habit des Amazones. Plus elle est chaste, plus la presse royaliste la traite de catin, notamment dans les Actes des Apôtres et sous la plume de François Sulot, son persécuteur permanent, insulteur public. Et plus elle devient célèbre comme héroïne de la liberté. C'est la partie glorieuse de son histoire, au cours de laquelle elle fonde en janvier 90 avec Gilbert Rome la Société des Amis de la Loi. L'année suivante, début 91, elle était enlevée par des royalistes à Liège, où elle était retournée, puis incarcérée à la forteresse de Kufstein, après avoir été accusée d'espionnage au profit des Jacobins. Après une longue instruction, elle est blanchie et libérée par le juge François Deblanc, un homme des Lumières. Elle revient à Paris, triomphante et célèbre, proche de la Gironde. Mais la Révolution perd pour elle son apparence d'unité indestructible à cause des luttes de factions. Plus elle devient, plus la Révolution évolue vers la division, plus Thérouanne devient l'épouse blessée. N'ayant d'autre existence historique que celle que lui a fournie le nouvel ordre du monde, elle quitte la scène de la politique, après avoir manié le sabre et appelé au meurtre de Sulot le 10 août 1792. Elle retourne ensuite à son état d'humiliation, après avoir été fouettée en place publique par des femmes jacobines. Marat tentera en vain de la protéger. Au moment où la Révolution s'effondre dans la terreur et cesse de porter l'idéal de Thérouanne, celle-ci s'enfonce dans la démence. Autrement dit, la Révolution avait donné sens à son existence en faisant d'elle une autre femme. La fin de la Révolution la métamorphose en une aliénée d'asile. Au printemps 94, elle présente de nombreux signes de folie et son frère propose de la mettre sous tutelle. Mais le 27 juin 1794, elle est arrêtée pour des propos suspects. Elle échappe à la guillotine parce que son frère la déclare en état de démence absolue. Enfin, le 8 Thermidor, elle adresse à Saint-Just une lettre délirante qui sera retrouvée cachetée dans les papiers de celui-ci. Elle lui réclame de l'aide pour être libérée. À l'évidence, elle ne s'adresse pas au vrai Saint-Just, mais à celui qui incarne encore pour quelques heures l'idéal de la Révolution dont elle avait été l'héroïne et qui s'est effondrée. En septembre 1794, elle est déclarée officiellement folle. En 97, elle est transférée à l'Hôtel Dieu, gigantesque mouroir de la déraison, et en 99 à la Salpêtrière, où elle mourra en 1817, après 18 ans d'internement. Sous la plume d'Étienne Esquirol, fondateur de l'asile moderne, qui décrira son cas en lui attribuant une histoire qui n'est pas la sienne, elle deviendra l'un des grands cas de la psychiatrie asilaire, aussi célèbre par sa folie que par son rôle d'Amazone de la Révolution. On ne connaît donc sa véritable histoire que par les lettres et les textes qu'elle a laissés, par son interrogatoire à la forteresse de Kufstein, par la description de sa folie par Esquirol. Et enfin, on ne connaît son vrai visage que par le dessin de profil réalisé en 1816 par Gabriel, le portraitiste des fous. Et enfin, par le moulage de son crâne, où l'on voit qu'elle est morte de cachexie. Si l'on connaît peu son apparence physique, on a donc une parfaite connaissance de son comportement asilaire, de ses organes internes, puisqu'Esquirol a pratiqué une autopsie qui confirme que sa maladie était mentale et non pas organique, et dont, en pleine restauration, il attribue la cause principale à la fureur révolutionnaire. Théroigne n'a eu ni la tête tranchée, ni le cœur arraché. Mais les dernières années de sa vie sont sans aucun doute des années d'horreur et d'autodestruction. Car une fois enfermée, elle passe d'une folie en liberté à une folie d'asile, notamment à partir de 1810. Des heures durant, elle se parle à elle-même, dans une langue faite de borborygmes. Elle se voit occupée à de grandes choses, prononce à voix basse des phrases incantatoires, où apparaissent des vocables tirés de ses souvenirs de la Révolution. Liberté, comité, coquin, décret, arrêté. Elle se livre à des pratiques d'automutilation et à des rites purificatoires avec de l'eau glacée. Elle mange des immondices, elle rampe, elle mord, elle dévore de la paille et de la plume, ne sait plus écrire et marche nue sans aucune pudeur. Elle, qui avait une santé fragile et se plaignait de toutes sortes de maux, la voilà maintenant résistante à toutes les maladies et les intempéries. Plus la mélancolie évolue vers la perte de soi, plus le corps ressemble à une forteresse imperméable aux agressions extérieures. Le jour de sa mort, survient une éruption sur tout le corps, qu'elle tente de soigner par son habituel rituel de l'eau glacée. Puis elle se couche, refuse de manger pendant 15 jours, jusqu'à la cachexie extrême. Elle meurt de pneumonie. Comme autre trace de Théroigne, je propose, pour finir d'ailleurs cet exposé, le poème que lui a consacré Baudelaire, qui a préféré le mythe à la réalité, non pas sans évoquer sa passion pour le jeu et le déguisement, ainsi que son heure de gloire pendant les journées du 10 août. Avez-vous vu Théroigne, amante du carnage, excitant à l'assaut un peuple sans souliers, la joue et l'œil en feu, jouant son personnage et montant sabre au poing les royaux escaliers. Je vous remercie. Alors, vous avez des questions ? Je crois que vous avez commis une erreur quand vous avez dit que Marie-Antoinette n'avait reçu aucune éducation politique. Il y a plusieurs historiens qui ont parlé de la correspondance de sa mère Marie-Thérèse qui lui expliquait la politique dans sa correspondance. Oui, bien sûr, après. Bon, pas dans son adolescence, évidemment. Non, mais après. Quand elle est à la cour, elle n'en a pas reçu avant. Merci. Oui, bien sûr. Elle est conseillée, mais mal. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui ont joué un rôle par rapport à ces femmes de la Révolution. Vous en avez cité un certain nombre, par exemple Esquirol, mais il y a aussi Vic d'Azyr, oui, qui est un personnage très important par rapport à Marie-Antoinette, puisque c'était son médecin personnel et qu'il a même continué à soigner le dauphin quand celui-ci était au temple et qu'il a du coup été impliqué et accusé. Et Vic d'Azyr a échappé par miracle à la guillotine. Je veux dire qu'il a échappé par miracle parce qu'il est mort avant. Je pense qu'on l'aurait... Quoi ? C'était difficile de le guillotiner enfant. On l'aurait... Le dauphin. Bien entendu. Ah oui, non, oui. Mais Vic d'Azyr. Ah oui, d'accord. Oui. Parce que le dauphin... A été mis en accusation pour avoir soigné Marie-Antoinette jusqu'à la fin. Oui, Vic d'Azyr, d'accord. Et d'avoir essayé ensuite de soigner le grand dauphin, puis lui, 17, comptablement. Je ne pouvais pas parler de... Vous savez que quand on se plonge dans cette histoire, on peut enchaîner. Mais Vic d'Azyr, il a survécu. Est-ce que Vic Désir, il n'a pas été guillotiné? Non, il n'a pas été guillotiné. Oui. Parce que, pour Mais à la fin, là c'est 90, mais à la fin, il n'a pas été guillotiné. Non, non. Est-ce que vous pourriez définir cette forme d'ennui du début du 18e siècle ou de la fin par rapport à l'ennui du 19e? Est-ce qu'il y avait une forme particulière? Est-ce que c'était pathologique ou bien est-ce que c'était une attitude? On a appelé ça après ça. Ensuite, il y a eu Madame Bovary qui a synthétisé. Flaubert a synthétisé le terme de l'ennui de ça. Ce n'est pas le même, mais le bovarisme est devenu significatif de l'ennui de ces femmes. Alors moi, j'ai repris ce terme pour montrer qu'elles en avaient toutes. Non, on ne peut pas... Évidemment, plus tard, on appellera ça tantôt l'hystérie, tantôt la mélancolie. Hein, parce que, par exemple, dans Madame Bovary, il y a des crises d'hystérie aussi. Mais je crois que Mesmer traitait plus ce mal de l'ennui que de l'hystérie. Autrement dit, on en a fait beaucoup l'ancêtre de Freud. Bien sûr, c'est la psychiatrie dynamique. Bien sûr, Mesmer met en évidence le mal psychique, ce qui est évidemment très important. Mais je crois que la caractéristique, c'est cet ennui. Alors, maintenant, pathologique, ça peut prendre des formes pathologiques. C'est sûr que sur Thérouanne de Méricourt, oui. Sur les autres, non. Et c'est bien pour ça que je montre en même temps que la Révolution les transfigure. Ça leur donne... une existence. Si vous regardez toutes ces femmes, qu'est-ce qu'elles auraient fait sans la Révolution? Vous me direz, c'est la même chose pour les hommes. Mais la grande différence, c'est que les femmes n'avaient pas le pouvoir de faire la Révolution. Elles avaient le pouvoir d'agir dans la Révolution, d'être agies. Mais elles n'étaient pas oratrices, pas députées, elles n'avaient pas de droit. Donc c'est ce que j'essaye de montrer. Je pense que le mal de l'ennui était beaucoup plus fréquent, bien sûr, chez les femmes que chez les hommes. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Madame du Deffand, qui est là. Il y avait ça, quoi. Parce que, en effet, des aspirations qu'elle ne pouvait pas avoir, des maternités, des mariages arrangés, un malheur épouvantable pour beaucoup. Celles qui sont roturières ont été maltraitées dans leur enfance. Et puis même Marie-Antoinette se marie à 14 ans. Enfin, bon, ça n'a pas été consommé, d'accord, mais ce destin des mariages arrangés est quand même difficile. Par certains côtés, Marie-Antoinette a eu un mari remarquable, qui l'a parfaitement respecté. Mais ce n'est pas non plus un mariage d'amour. Il y a ce statut des femmes d'une façon générale, en tout cas dans ce moment-là de la Révolution, ne peuvent régner que par leur séduction, que par le pouvoir qu'elles ont à travers les hommes. C'est une constante, quoi. Alors, les femmes qui ont joué ce rôle, en tout cas, pas Marie-Antoinette, qui est une reine, mais toutes les autres, elles sont déclassées. Voilà. Je ne peux pas vous répondre mieux que... Alors, bien sûr, Esquirol va donner le nom de l'hypémanie, mais quand Esquirol fait le portrait de Thérouanne de Méricourt comme une mélancolie, mais lui, alors il faut aujourd'hui évidemment déplacer le vocabulaire, mais enfin, Esquirol fait un portrait terrible. Alors, on a le portrait de sa vie à l'asile, qui est parfaitement réaliste, qui est vrai. Mais lui, il attribue cet état à la fureur de la révolutionnaire. C'est un grand débat, naturellement, chez les psychiatres de l'époque. Il y a ça, Jean Garabet, vous le savez mieux que moi, il y a tout le débat de savoir est-ce que c'est la révolution qui rend fou ou est-ce que, au contraire, les événements importants comme la révolution et la guerre, est-ce qu'au contraire, ça éradique la folie. C'est les deux, on sait qu'il y a moins de suicides pendant les périodes révolutionnaires. Moi, je ne pense pas du tout que c'est la révolution qui fabrique la folie de ces femmes, ou de qui que ce soit. Mais la révolution, et celle-là, qui est la plus grande révolution, qui se déroule quand même sur 5 ans, et qui est le paradigme ensuite de toutes les révolutions, je crois que sa caractéristique, étant donné que c'est une vraie révolution, qui a totalement transformé le monde, hein, par certains côtés, a réellement eu pour effet de transformer aussi toutes ses destinées singulières. Voilà, je pense profondément. Il faut le voir comme ça, comme un grand moment d'héroïsme, puis tout le monde meurt, tout le monde meurt. Hein. Enfin, il y a peu de survivants. Bon, j'ai cité aussi cette phrase de Tallien, elle est exacte. À un moment de la révolution, plus personne ne peut la contrôler. Plus personne peut contrôler le processus de la révolution. Vous avez dit que les femmes du peuple n'avaient pas la possibilité de vraiment... Ah ça. Mais parmi les femmes un petit peu intermédiaires, comme les gouvernantes, les préceptrices, il oui. n'y avait pas... Bien sûr. Il n'y en avait pas d'autres que ces quatre. Non, j'ai parlé aussi quand même... Alors, il y a les jacobines, je n'avais pas le temps de toutes les aborder. Il y a la combe, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de femmes. Il y a un livre qui a été fait, il y a des milliers de livres, hein, mais qui a été très bien fait par Dominique Godinot, qui, elle, a pris les femmes du peuple, qui, en effet, elle aussi commence à poser les bases d'un pouvoir des femmes. Elles sont plus anonymes. Alors maintenant, les femmes de chambre, les gouvernants, oui, tout ça existe, la population féminine. En général, cette population-là, il y a beaucoup de révoltes, elles suivent le destin de la monarchie, elles sont plutôt soumises à l'idéal monarchique. Je vous rappelle que l'une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas donner le droit de vote aux femmes, c'est qu'on pensait qu'elles étaient, un, dominées par les hommes, deux, certainement pas aux domestiques, parce que c'était les patrons qui allaient voter à leur place. Enfin, en tout cas, je les ai qualifiées pour beaucoup. Là, je ne parle pas des gouvernantes et des domestiques, mais j'ai qualifié les femmes qui font la foule dans la Révolution. Là, elles existent en tant que foule. Vous avez, pendant toute la durée de la Révolution, des foules de femmes qui viennent donner leur avis à l'Assemblée. Elles sont assez anonymes. Et même pour celles qui, les jacobines, qui sortent du lot et qui se singularisent, ne sont pas très aimées par les autres femmes. Justement, à ce propos... Ici, Elisabeth, ici, au premier rang. Oui, oui, pardon. Justement, à ce propos, je voudrais que vous reveniez sur cette scène que je trouve abominable, de la fessée cul-nue de Thérouanne de Méricourt par des femmes jacobines. Ah bah oui. Bah oui, quoi? Ah non, mais c'était très fréquent, les jacobines fouettaient des femmes. Le fouet, les têtes coupées, les violences étaient très, très courantes, et les femmes jacobines... Les tricoteuses suivaient aussi les charrettes des révolutionnaires. Oui, bien sûr. Elle est fouettée par les jacobines parce qu'elle est girondine. Donc les factions se... Donc ça, c'est une forme de châtiment qui est venue d'où? Ah oui, oui, oui. Ah ben, c'est... Fouettée. C'était sur les fesses, bien sûr. Enfin, bon, quelquefois, d'ailleurs, on leur enlevait leurs vêtements. Mais ça, c'est le grand côté païen de la Révolution, le grand côté carnaval, le grand côté mise en scène... Des violences, fouetter, bah oui, fouetter, c'est humilier. Enfin, oui, bien sûr. On retrouve on retrouve toutes ces comportements. Il y a un nombre de têtes coupées assez considérable. Hein. Ça commence à la Bastille. Et le fouet est manié. Les femmes ne peuvent pas couper les têtes, hein, donc elles fouettent. Ah, elles voilà. Fouettent les femmes. Ça, c'est une formule qui me va. Oui. Hein? Non, mais bon, les hommes coupent, les femmes fouettent. Il faudrait étudier de près, mais enfin, en effet, les séances de fouet public. Alors, pour quelqu'un comme Thérouanne, c'est particulièrement humiliant, parce que Thérouanne de Méricourt, c'est quelqu'un qui se déguise en épouse de la Révolution, et elle n'a pas de corps. Donc, faire apparaître comme ça le corps, c'est pour elle, c'est une humiliation. Et puis être fouettée. Elle avait trouvé dans la Révolution, comme beaucoup d'ailleurs, mais plus, un espèce d'idéal aristocratique d'Amazone, donc de personnage flamboyant de guerre. Et se faire fouetter comme une moins que rien, c'est la faire retourner à l'état d'humiliation qu'elle avait connu avant. Ah oui, c'est dur à ce moment-là. Marat n'aimait pas ça, hein, il a essayé d'empêcher. Mais bon, on n'empêche rien pendant la Révolution. Personne ne peut maîtriser ce... C'est toujours bon à savoir, hein, si on engage la Révolution, on voit son début, on ne sait pas ce qui va se passer après. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez dit que c'est... Que où est-ce que vous êtes? Je suis au fond, tout au fond, à votre... Ah oui, je vois. Okay. Donc, vous avez dit que la Révolution française, oui, c'est le paradigme, oui, de toutes les révolutions. Je pense, oui. Donc, du coup, est-ce que dans d'autres révolutions, on retrouve des femmes qui ont compté autant que les femmes dans la Révolution française? Oui. Oui. Est-ce, oui, que, oui, vous aurez des exemples? Il y a toujours eu des femmes dans les moments révolutionnaires. En tout cas, il y en a en Union soviétique qui vont jouer ce rôle. Demander toujours les droits des femmes, oui, il y en a, bien sûr. Moi, je pense que la comparaison avec le paradigme de la Révolution française, il s'arrête à octobre 17, où là, on se réclame encore, hein, de la Révolution française. Et après, on va se réclamer de la Révolution française... contre les régimes staliniens, c'est-à-dire, bon, je prends l'exemple de la place Tiananmen, après on se réclame de la Révolution française contre les effets de ce qu'ont provoqué, de ce que sont devenues les révolutions. Il y a toujours eu des femmes, bien sûr, en 1848, il y en a. D'ailleurs, le tableau de Delacroix, c'est une femme, hein, qui incarne la Révolution. Maintenant, les femmes réelles, occupant des places de chef révolutionnaire, il n'y en a pas beaucoup, parce que les droits, la place dans la société, c'est à partir de la fin du 19e siècle que ça commence, hein, c'est pas acquis du tout. Voilà. Alors il y a des passionnariats, il y en a beaucoup, il y en a pas mal dans la guerre d'Espagne, hein, les femmes, on peut considérer que la guerre d'Espagne est un moment révolutionnaire. Mais d'une manière générale, après, on s'est toujours reconnu, quand le féminisme va se développer, il s'est reconnu comme grande pionnière du féminisme, Olympe de Gouges, et c'est normal, puisqu'elle avait rédigé cette déclaration des droits des femmes, et Thérouanne de Méricourt. Mais le destin de Thérouanne est évidemment, on ne peut pas trop... comment positiver? C'est beaucoup plus difficile, hein. Parce que c'est un malheur tel que comme on s'identifie. Tandis que l'âme de Gouges, il y a des écrits quand même. En fait, le premier théoricien de tout ça pendant la Révolution, ce n'est pas une femme, c'est Condorcet. C'est lui qui a posé le sol à peu près pendant la Révolution. Ils sont deux ou trois, mais enfin, c'est Condorcet qui a posé réellement la question du droit des femmes. Oui, au cours de votre exposé, moi, ce que j'ai ressenti quand même, c'est que le fil rouge qui réunissait toutes ces femmes, c'était l'ennui. Oui. Or, l'ennui, bon, pour ces femmes-là, qui étaient quand même d'une catégorie très aisée, hein, soit des grandes bourgeoises, soit issues de la noblesse. Oui. Petite bourgeoisie, hein. Si c'est pas la reine, c'est petite bourgeoisie. Avait quand même accès à la culture de l'époque. Au contraire des roturières ou paysannes, alors comment pourrait-on qualifier l'état d'esprit des femmes, des roturières ou des paysannes à cette époque-là, par rapport à celles-ci? Justement, celles dont j'ai parlé là, Thérouanne de Méricourt, Olympe de Gouges, elles sont déclassées par rapport à leur milieu, elles aspirent, elles apprennent à lire, à écrire, etc. C'est la petite bourgeoisie. Hein. Thérouanne de Méricourt, c'est une fille de paysan plutôt aisée. Mais il y a dans l'itinéraire de toutes, évidemment je ne mets pas Marie-Antoinette, hein, mais il y a dans l'itinéraire de toutes une revendication à l'instruction qu'elles n'ont pas. Il y a cet état de elles réclament d'être instruites. Les femmes du peuple, elles, la plupart, ne savent pas ni lire ni écrire. Il y a d'ailleurs des hommes aussi. Hein. Mais elles acquièrent seules quelque chose. Thérèse de Mérico, elle apprend à lire et à écrire chez quelqu'un qui l'a, une femme qui l'a reçue comme dame de compagnie, qui lui a appris à lire et à écrire. L'ennui, le mal de l'ennui, il traverse toutes les femmes. Il est évidemment parlé, décrit très bien par Madame du Deffand. Il est parlé, écrit par les femmes de la noblesse. Mais on voit dans le destin que ça existe toujours. Ça existe toujours, quoi. Elles sont... Qu'est-ce que vous voulez qu'elles trouvent comme avantage à cette condition de mariage arrangé, de grossesse permanente, c'est comme ça. C'est pas elles n'ont pas tellement que ça les moyens. L'Olympe de Bouge, elle va vivre un peu de sa plume. Hein, elle monte des pièces de théâtre. Elles sont entretenues souvent. Voilà. Pas si j'ai répondu à votre question. Alors maintenant, les femmes du peuple, c'est bien pour ça qu'elles sont en foule. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de singularité. Il y en a quelques-unes. Elles ne sont pas encore des sujets. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Ouais, mais c'est morose, c'est les élections américaines. Vous voyez que ça existe toujours. Hein. Bonjour. Les femmes. Vous avez l'air d'être indulgent avec Marat dans votre exposé. Marat, il a quand même bien dit qu'il fallait tuer 300 000 personnes ou je ne sais pas quoi. Mais vous savez, ils ont tous. Ouais. Oui, mais est-ce que vraiment il méritait d'être tué par... Je veux dire, on voit encore dans certaines villes, à Ivry par exemple, la rue Marat, moi ça m'a surpris quand même, parce que... Que je ne traite pas Marat comme un chien crevé, dégoûtant, répugnant. Voilà, alors non. Qui est-il ? C'est un des plus grands journalistes de la Révolution, c'est un homme qui a des aspirations des Lumières, qui fait partie évidemment... Vous savez, votre question, elle reflète quelque chose de très... caractéristique de notre époque, c'est la haine de la Révolution et la haine de ceux qui, évidemment, ont été jusqu'au bout, c'est pas le cas de Marat parce qu'il a été assassiné, mais qui ont été les plus extrêmes dans la Révolution. Aujourd'hui, il est de bon ton de traiter Robespierre comme un chien galeux, Danton comme un pauvre type. Comme bon. Ce qu'il faut bien comprendre, par là-dessus, d'ailleurs, on rajoute qu'après tout, Napoléon, avec ses guerres, a été génocidaire, par exemple, ce qui est une stotise intégrale. Bon. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre, j'espère que je l'ai montré là, que la Révolution, notamment à partir de 1993, et je dirais un peu avant même, elle est, la Révolution, c'est la violence révolutionnaire. Et c'est en même temps qu'il y a cette violence révolutionnaire qu'on vote à l'Assemblée puis à la Convention les bases de la démocratie moderne. Nous sommes les enfants de ce qui a été inventé par la Révolution et repris dans le code civil. Donc la question que vous me posez en disant c'était un dégoûtant Marat, il a appelé à exécuter Tallien aussi. Ceux qui ont arrêté la Révolution avaient été parmi ceux qui ont évidemment été les artisans de la terreur. Marat, pas plus que les autres. Marat, c'est une sorte de pamphlétaire, de journaliste. Il est, si vous voulez en trouver un pire, le pire pendant la Révolution, c'est Hébert. Voilà, c'est les hébertistes, c'est le père Duchesne. C'est... Mais ils ont tous le verbe, hein, le verbe très haut pour appeler à, au massacre. Je vous fais remarquer aussi une autre chose qui est, qu'il faut qu'on dise aujourd'hui. Les aristocrates qui ont été épouvantables pour empêcher la révolution, qui ont écrit des textes abominables. Je pense par exemple à François Sulot. Si vous lisez les Actes des Apôtres, ce qu'il dit contre la Révolution, ce qu'il dit contre les femmes de la Révolution, contre Théroigne, c'est un tissu d'immondices. Bien, cet homme au 10 août, il est mort héroïquement pour défendre la monarchie. C'est le même qui meurt héroïquement, sabre au poing, pour défendre la monarchie. Alors, moi, je vous conseille de lire 93 de Victor Hugo, qui montre très très bien tous ces enjeux. Donc, Marat, il n'est pas pire qu'un autre. Simplement, Marat a été ensuite utilisé par toute la propagande contre-révolutionnaire, notamment à partir de son assassinat ensuite, comme l'incarnation du mal absolu de la révolution. Pourquoi ? Il n'est pas plus que d'autres, ni moins. Pourquoi ? Je pense que c'est parce que c'était l'homme du verbe, c'était l'homme de l'ami du peuple, c'était celui qui, dans sa baignoire, du fond de son trou, agitait toutes les idées révolutionnaires. Mais il y a aussi son physique. Il était malade, il avait une grave maladie de peau qui soignait de cette façon-là. Il était laid, ce qui a compté beaucoup. Il était d'origine sarde, donc il était l'étranger, il incarnait l'étranger. Et donc on l'a beaucoup chargé, Marat. Soyons un peu raisonnables. De toute façon, dans cet exposé, j'ai traité de choses terribles. Donc on va pas. Je pense pas qu'il faille traiter Marat comme mieux ou pire que les autres. Mais il est certain que son nom est aujourd'hui synonyme de diable. Il est maudit. Vous prononcez aujourd'hui le nom de Marat, on dit diable. Moi, quand j'y ai fait mes études à l'école, ce qu'on appelait le lycée autrefois, qui est le collège, non, ce n'était pas comme ça. On étudiait les personnages de la Révolution, hein, Jacobin, Montagnard, Girondin, etc. Marat faisait partie du tout. Donc, je crois que cette charge contre Marat n'a pas lieu d'être, ce qui méritait d'être tué. La question ne se pose pas comme ça. Est-ce que la totalité des acteurs de la Révolution qui sont tous morts de façon violente, est-ce qu'ils méritaient d'être tués? Bon. Si on se pose la question comme ça, on ne fait plus l'histoire. Voilà. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, et c'est ce qu'on a fait ensuite de Charlotte Corday. On sait, Charlotte Corday, c'est un acte solitaire, un passage à l'acte de type régicide. Elle ressemble plutôt au régicide, c'est-à-dire à Ravaillac, à Clément, etc., qui, sous l'influence d'idées, visent un personnage, font un acte solitaire, viennent seuls. On a beaucoup dit qu'elle était le bras armé de la Gironde. Ben non, elle n'a pas rendu service à la Gironde. Et de toute façon, elle a revendiqué elle-même cet acte, sur lequel elle n'a pas d'explication. Sur lequel on n'a pas d'explication. Elle vient tuer Marat. Alors maintenant, elle ne saura rien dire à son procès, elle répétera ça, mais surtout, je pense qu'en regardant aujourd'hui tout ce qui s'est passé, ça lui permet de prendre la parole, cet acte-là. Elle existe par ce crime, cet assassinat d'ailleurs politique. Il faut la rattacher au régicide, aux autres régicides. Peut-être il faut rappeler qu'on oublie très souvent que Marat était médecin. Oui, bien sûr. Il avait fait ses études, bien sûr. D'ailleurs, quand il était exilé en Angleterre. Oui, c'est un médecin. À l'université de Saint-Andoche en Écosse. Et il a écrit ensuite, quand il est revenu en France, toute une série de livres sur l'utilisation de l'électricité. Alors, bien entendu, c'est de l'électricité encore de l'ancien régime, oui. C'est pas notre électricité actuelle, en médecine. Mais il n'y a pas que ça. Il a écrit sur oui. sur la pénalité. Il a inspiré oui, de Beccaria. Il a été aussi une grande réflexion sur les supplices, la pénalité. Bon, enfin, tout ça. Ouais. Mais ce qui est assez curieux, c'est que autant les textes politiques de Marat sont étudiés encore de nos jours. Les textes médicaux de Marat sont très peu étudiés. Personne Ils sont pourtant parle. Intéressants. Personne n'en parle. Non, personne n'en parle. Je suppose que vous avez lu la tétralogie de Alexandre Dumas. Oui, oui. Oui. Vous avez vu que Marat occupe une place très importante comme médecin, puisque c'est comme médecin. Oui. Oui, oui. Puisque c'est avant la Révolution. Hein. Oui, oui, non, il était d'ailleurs médecin des gardes du corps tout du à fait. Comte d'Artois. Il y a un dialogue très intéressant entre Joseph Balsamo, alors inventé, tout à fait inventé, puisque Balsamo incarne un double de Mesmer, mais où Alexandre Dumas fait un portrait de Marat passionnant. Pourquoi ? Parce que, alors, il imagine des scènes dans lesquelles et notamment la scène des Tuileries, la scène du mariage de Marie-Antoinette où ça bat, où il y a cet accident qui produit tant de morts. Il imagine une rencontre entre Joseph Balsamo et Marat qui soigne le physique, qui est donc médecin, il soigne tous les malades. Et Balsamo va hypnotiser un malade. Alors c'est un peu plus tard. Pour qu'on puisse l'opérer, ce qui a existé, hein, les opérations. Et Joseph Balsamo dit, moi, je suis le médecin de l'âme et vous êtes le médecin du corps. Et il fait un très beau portrait de Marat. Il fait dialoguer Marat avec Rousseau. Donc, vous avez parfaitement raison, il faut resituer Marat. Les textes de Marat médicaux ont quand même été étudiés au moment du bicentenaire. Il me semble que j'ai vu passer un ou deux livres. Mais vous les avez étudiés vous-même, je crois. Non, mais c'est un des grands personnages. C'est la même chose. Il faudrait les restituer par rapport à la médecine de son temps. Il Bien avait sûr. Mis, d'ailleurs, comme il avait fait, lui, ses études en Angleterre, comparer la médecine anglaise par rapport à la médecine Ça peut être un très beau français. Sujet de thèse, si ça intéresse quelqu'un. C'est très intéressant. Voilà. Un sujet de thèse sous trouvé, s'il y a des amateurs. Il y a une scène aussi, ça c'est dans Alexandre Dumas, où Balsamo dit, Marat dit, il est favorable à la guillotine, hein, parce que l'intervention médicalement de la guillotine, j'en ai pas beaucoup parlé, est capitale. Parce qu'il s'agit maintenant, on a aboli évidemment les supplices, il s'agit de on n'abolit pas la peine de mort. Il y a des abolitionnistes de la peine de mort pendant la Révolution, notamment Robespierre, Olympe de Gouges aussi, Condorcet. Mais l'idée, on ne se rend pas compte toujours, mais d'exécuter sans supplice est une idée des Lumières. Bon. Et il y a une scène dans Alexandre Dumas, attention, Alexandre Dumas écrit en 1854, mais qui est intéressante, parce que il fait dire à Balsamo contre Marat, il faut aller plus loin que la pénalité, que l'exécution sans souffrance, il faut rêver d'un monde où on n'aura plus besoin d'appliquer la peine de mort. Il faut voir comment est racontée la Révolution par des auteurs. Mais en effet, c'est pour ça que j'ai insisté quand même sur les têtes coupées et la guillotine, c'est capital, parce que c'est pas le même acte. Et les révolutionnaires, ça les dégoûte, les têtes coupées, ça ne leur plaît pas du tout, les massacres, non, ils veulent organiser. Bon, cela dit, à partir de la Grande Terreur, c'est effrayant, il n'y a plus de jugement, c'est les têtes coupées par la guillotine tout le temps. Quoi. Ça ne dure pas très longtemps, la Grande Terreur. Hein. Enfin, c'est la Révolution, là, n'est plus on ne peut plus la contrôler, on ne peut plus l'arrêter. Bon, s'il y a encore une question. Oui, juste pour ajouter que Marat a également écrit un traité d'optique. Un traité d'optique en plus. Oui, c'est un homme de science, Marat. Oui, non, c'est pas un vermisseau répugnant. Enfin, bon. Il y a des pages d'Édouard Drumont sur Marat qui ont été reprises par Vichy. les bases d'une abjection, puisque ensuite il y a la légende de Marat juif, hein, alors qui est repris naturellement dans l'histoire de l'antisémitisme, enfin, par les antisémites, par le discours antisémite et par le discours contre-révolutionnaire d'extrême droite, qui va jusqu'à dire que non seulement c'était l'image du juif malade, enfin corrompu dans son faciès, sémite et malade, mais que comme il était l'ami du peuple, il était en plus une juive féminisée, c'est-à-dire qu'il est féminisé. Donc la haine des femmes de la Révolution va durer dans tous les écrits, je dirais jusqu'en 19... Ça dure très très très longtemps, jusqu'en dans les années 1950. Parce que, par exemple, les portraits monographiques qui sont faits à la fin du 19e sur les femmes de la Révolution, ils sont terribles. Vous avez qu'à lire les pages d'Hippolyte Taine. Les femmes, c'est la foule, c'est l'hystérie, pas le mal de l'ennui, c'est les convulsions. Au fond, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Et après la Commune, on va recommencer. C'est-à-dire, les femmes sont identifiées à la violence totale. À la violence totale, plus que les hommes. Et donc, quand on veut caricaturer Marat, on dit qu'en plus, il a le physique d'une femme. Charlotte Corday est un travesti, Marat a le physique d'une femme. Mais ce qui avait frappé pour Charlotte Corday, c'est ce qui avait frappé à l'époque, précisément parce que ils n'ont pas pensé à la notion de régicide. C'est pas dit comme ça, c'est qu'ils sont évidemment frappés par la force physique qu'elle a de planter le couteau. Bon, ce qui montre d'ailleurs que c'est bien un passage à l'acte, hein, pas autre chose, parce que sinon, c'est pas très facile. Hein. On ne peut pas assassiner quelqu'un comme ça qu'on a en face de soi s'il n'y a pas une pulsion très très forte. Hein. Logiquement, après avoir parlé 20 minutes avec, elle sort sans le tuer. Bon. Alors, pour la suite du cycle des révoltes, hein, le prochain, c'est Robespierre.